Nous sommes dimanche le 25 octobre 2020. Bonjour fidèles auditeurs de la radio Sangaliro. C'est l'heure de suivre l'édition de la mi-journée du journal parlé en langue française. Mais tout d'abord, les titres. Une personne a été tuée victime d'une attaque d'un hippopotame ce samedi soir à Rutumo, en commune et province Rumonge. La population et les responsables de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Rumonge ne sont pas d'accord sur le sort à réserver à cet animal aquatique. La carence de matériel et l'insuffisance des enseignants spécialisés sont certains des défis auxquels fait face le lycée Kanura, école pour aveugles, situé en commune Gihanga, province de Bubanza. Nous ferons le saut à Gihanga pour les détails. Les habitants de la province de Cibitoke, dans les localités frontalières avec le Rwanda, apprécient la rencontre des ministres chargés des relations extérieures du Burundi et du Rwanda. Ils espèrent une renormalisation des relations entre ces deux pays pour leur faciliter les échanges. Voilà pour le sommaire. Eric Adogo est à la cabine technique. Au micro, vous êtes avec Armel Mutore. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, débutons ce journal en page environnement. Une personne est morte tuée par un hippopotame le soir de ce samedi à Rutumo, commune et province Rumonge. La population de cette localité et l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBP en sigle, antenne Rumonge, divergent sur le sort à réserver à cet animal qui a déjà tué 3 personnes et blessé 4 autres. Depuis le début de cette année, pour la population, cet hippopotame devrait être tué gardé dans un parc. Un avis qui diverge de celui des responsables de l'OBPE à Rumonge, qui souhaitent plutôt le respect du périmètre de l'habitat de cet hippopotame. Jean-Pierre Misago à Rumonge. Un pêcheur de la sous-colline Kionza sur la colline Rutumo est la nouvelle victime d'une attaque par un hippopotame vers 18h de ce samedi, alors qu'il s'apprêtait avec un autre pêcheur à bord d'une autre pirogue à capturer les poissons communément appelés Inonzi et Ikuhe, selon Frédéric Singhibakira, chef de secteur Rutumo. Le compagnon de Bukuru Alexis, victime de cette attaque, a pu se sauver après le renversement de la pirogue de la victime par cet hippopotame, connu comme enragé et déjà surnommé Pucci par les habitants de cette localité, selon le chef de secteur Rutumo. Alors que la victime de ce samedi est la 3e tuée dans les mêmes circonstances dans cette localité depuis le début de cette année, à côté de 4 blessés et plus d'une dizaine de rescapés, les habitants de cette localité et l'administration locale voudraient que cet animal aquatique soit tué ou conduit dans un parc où il serait gardé, estimant que la vie de l'homme doit primer sur celle des sauvages aquatiques dans cette localité où la population est obligée de se rabattre à l'eau du lac Tanganyika, car faisant face au manque criant d'eau potable. Mounama Melchior, responsable des aires protégées à l'OBPE, antenne provinciale de Rumonge, en fait une autre lecture. Selon ses enquêtes, c'est la population qui intimide cet animal, obligée de se défendre et va jusqu'à tuer des gens alors qu'il est seulement herbivore. Pour lui, la population de cette localité devrait être attentive et vérifier si cet hippopotame n'est pas dans les environs avant de rentrer dans les eaux du lac Tanganyika. Jusqu'à 9h du matin de ce dimanche, le corps de la victime n'avait pas encore été retrouvé malgré des recherches menées conjointement par les pêcheurs et la marine burundaise. Seul ce sauvage aquatique était visible dans les parages, selon le chef de secteur Rutumo. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Certains habitants des localités de la province de Cibitoke, frontalière avec le Rwanda, se réjouissent de la rencontre entre le ministre burundais des Relations extérieures et son homologue du Rwanda afin de renouer les relations entre les deux pays. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro demandent de poursuivre le dialogue pour la renormalisation des échanges entre la population des deux pays. Suivez-les. Nous sommes réjouis de la rencontre entre autorités. On croyait que les frontières allaient être ouvertes pour renouer les relations comme avant. Nous qui sommes sur la frontière, concevons mal comment un Rwandais qui est de l'autre côté de la rivière ne puisse pas échanger avec un Burundais. Nous déduisons que c'est injuste. Nous souhaitons que le dialogue continue et qu'on ouvre les frontières pour que les relations soient comme avant. J'étais contente parce que si le Burundi et le Rwanda s'entendent et échangent, nous en bénéficions. Sinon, c'est une perte. Nous sommes impatients de voir que les relations soient rétablies. On remerciera le Seigneur. Nous demandons aux deux présidents de vider le malentendu. Nous sommes vraiment enchantés parce que je me rappelle qu'avant, on en tirait beaucoup de profit, surtout concernant le transport. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est pourquoi on souhaite que les relations entre le Burundi et le Rwanda se normalisent. Nous souhaitons que ces deux pays renormalisent leurs relations, surtout que c'est avantageux pour nous qui habitons près des frontières. Par exemple, moi qui suis un taxi motard, je conduisais des clients jusqu'à la frontière avec le Rwanda avec juste la carte d'identité. Mais maintenant, c'est impossible, tout a changé. La situation s'est empirée et cela constitue une grande perte pour nous. Dans l'association des commerçants transfrontaliers, quant à eux, ils demandent au gouvernement burundais de ratifier le régime commercial simplifié pour les petits commerçants. Thierry Habyarimana, président de cette association, indique qu'une fois cette convention ratifiée, elle facilitera le commerce transfrontalier. On l'écoute. RECOS est un projet d'e-commerce visant la facilitation du commerce pour les petits commerçants de ce marché depuis 2016. À ce moment, les gouvernements burundais et congolais, le COMESA et nos associations burundaises et congolaises se sont convenus de faciliter le commerce transfrontalier. Dès lors, la RDC a mis en œuvre l'accord. Nous demandons par conséquent au gouvernement burundais de signer un tel accord au profit de nous autres commerçants burundais. On ignore encore les motifs de non-signature. À notre connaissance, les autres pays limitrophes de la RDC l'ont signé. Nous restons confiants qu'à travers le ministère du Commerce et d'Industrie, cet accord RECOS pourra être signé. Plus d'autres adhèrent aux associations. Si RECOS n'est pas signé, cela reste un défi. Page infrastructure à présent, les services étatiques œuvrant dans la ville de Gitega sont appelés à mettre en application la décision de pavage de certaines routes. Notre reporter Gérard Nibigira pour plus de détails. Les habitants de la ville de Gitega demandent aux services étatiques œuvrant à Gitega de mettre en application la décision des autorités communales de Gitega de paver les espaces séparant leurs bureaux et les routes goudronnées ou pavées récemment construites dans cette capitale politique, tout en appréciant la construction de ces mêmes routes. Paradoxalement, on voit que les départements appartenant à l'État ne s'acquittent pas de cette tâche, car des espaces séparant des routes et ces maisons ne sont pas encore pavés alors qu'ils sont censés servir d'exemple. Vraiment, je dirais que l'administration avait pris une bonne initiative du fait que la ville de Gitega est la capitale politique. Il faut que cette ville soit propre. Je vois qu'il y a deux habitants qui ont terminé à paver devant leur maison, mais d'autres pas encore. Je conseillerais à l'administration de continuer à sensibiliser pour que tout le monde s'y acquitte. Le chef de zone Gitega, Irben Butoyi Hussein, indique que même tous les services étatiques doivent appliquer cette décision et les invite et à s'y préparer déjà. Il rappelle aux stadins de Gitega qui ne se sont pas encore conformés à cette décision de le faire si vite, sinon des mesures contraignantes seront prises. Depuis Gitega, Jean Ebigira pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h passées de 6 minutes dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal en page justice. Le manque du matériel et les recherches non approfondies chez les magistrats et avocats sont quelques défis auxquels font face les praticiens du droit. Propos d'Edouard Minani, directeur du Centre de formation du personnel de la justice, après une formation organisée ce jeudi à Karoussi par la CNDH à l'endroit de ces magistrats et avocats. Il précise qu'ils organisent ces formations continues afin que ce personnel se familiarise et utilise ces normes internationales dans leurs activités. Suivez-le. On vient de constater que l'usage des normes internationales en matière judiciaire, lors de la prise des décisions, il y a jusqu'à présent une carence qui s'observe. On s'y réfère rarement. Et nous avons pu avoir une interaction avec les acteurs de la justice qui ont été sincères pour dire qu'ils se réfèrent rarement aux normes internationales dans les décisions, dans les procédures de justice au Burundi. Et ce qui fait qu'il faut des activités soutenues pour qu'on se réfère le plus souvent aux normes internationales parce que les conséquences sont situées au niveau interne et international. Au niveau interne, on peut trouver que lorsqu'on ne s'y réfère pas, alors que le Burundi a ratifié ces normes qui sont directement intégrées dans l'ordonnancement juridique interne, on viole la loi, la constitution en premier lieu. Deuxième aspect, c'est que des fois, lorsqu'on ne met pas en application ou en œuvre les conventions et traités ratifiés par le Burundi qui sont relatifs aux droits de l'homme, des fois, le Burundi est appelé à expliquer au cours de l'analyse de la situation des droits de l'homme au Burundi. Vous savez que des fois, il y a des experts qui sont envoyés au niveau du comité de mise en œuvre de ces traités ou ces conventions, au niveau régional, au niveau international, et on évalue l'état de mise en œuvre des recommandations comme des conventions, des traités internationaux ratifiés aux droits de l'homme au cours des séances, que ce soit au niveau de Genève, que ce soit au niveau d'autres instances régional. Les magistrats, c'est comme s'ils attendent qu'on leur donne les livres. Ils ne font pas vraiment la recherche active dans leur métier. Et ça, c'est un grand handicap. Deuxième handicap, c'est que l'équipement au niveau du matériel qui est fourni par les instances publiques, on ne peut pas donner les codes, toutes ces lois-là. Il est vrai que c'est produit par le centre d'études de commençage juridique, mais au niveau des juridictions, des parquets comme des barreaux, on constate que ces équipements ne sont pas là. Autre chose, c'est qu'il y a des sujets qui ne sont pas bien motivés parce qu'ils ne se repèrent pas aux normes internationales. Toujours dans la même rubrique, 102 familles de la province Moara ont été investies ce samedi dans l'institution Dubushinga Nhahe. Le président de la fondation Inhahe au niveau national, Adrien Sibomana, indique que les Bashinganais sont disposés à offrir leur contribution en rapport avec la politique de revalorisation de la justice à la base au niveau collinaire. Le gouverneur de la province Moara précise que les Bashinga Nhahe ont une bonne collaboration avec les élus au niveau des collines. Laurent Dikulio, correspondant. Parmi ces 102 familles de la province Moaro investies au samedi, 46 sont de la commune Kayokwe et 29 sont de la commune Rusaka. Au moment où la fête de Bashinganaï au niveau de tout le pays a eu lieu ce samedi au chef-lieu de la province Moaro, le gouverneur de cette province, colonel Gaspard Gassanzwe, dit que les Bashinganaï existent dans toutes les communes de la province Moaro. Il dit aussi qu'il collabore parfaitement avec les élus collinaires dans la réconciliation des personnes en cas de litige. Il indique que la fête de Bashinganaï pour cette année arrive au moment où le projet de loi relatif à la valorisation de la justice au niveau de la base arrive au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le gouverneur de la province Moaro dit que quand cette loi sera signée par le président de la République, le nombre de litiges qui vont jusqu'au niveau des tribunaux va diminuer. Il demande aux Bashinganaï de contribuer à la sauvegarde de la paix dans la communauté sans demander de la bière. Il les invite aussi à respecter leur code de conduite et les lois du pays. Adrien Siwamana, président de la Fondation Inhahe au niveau national, dit que dans la politique de revalorisation de la justice au niveau de la base, les Bashinga Nhahe ne sont pas exclus. Ils leur demandent de donner leur contribution quand ils seront sollicités, car il y a des personnes qui maîtrisent comment cette institution a évolué dans le temps. Ils demandent aux membres de cette institution d'être le modèle au niveau de la communauté et de sauvegarder la paix et l'entente entre les gens. La province Moaro dispose de plus de 25 000 Bashinga Nhahe investis, selon Kaya Uterance, responsable de l'institution des Bashinga Nhahe en province Moaro. Depuis Moaro, Laurent Dikurio, Radio Sanganiro. Merci Laurent Dikurio. Le manque de matériel et d'enseignants spécialisés font partie des difficultés auxquelles fait face le lycée Kanura de la commune Gihanga en province Bouvanza, un lycée pour aveugles, comme le rapporte le responsable de cet établissement. La même école célébrait ce samedi la journée internationale de la canne blanche, une canne de couleur traditionnellement blanche qu'utilise certains déficients visuels, aveugles et malvoyants comme un moyen de se repérer dans leur environnement spatial et faciliter leur locomotion en évitant les obstacles. Space Caritas Cavagnan. Les responsables du lycée Kanura en commune Gihanga de la province de Bubanza disent que cette école est confrontée à plusieurs difficultés. Le manque de papier braille utilisé par les élèves aveugles, peu de machines spécialisées en braille. L'école ne dispose que deux machines selon le directeur de l'école qui précise qu'on pourrait en avoir au moins cinq autres. Nestor Niragira parle également du manque d'enseignants. L'école ne dispose qu'un seul enseignant spécialisé en braille. Les autres sont formés sur le tas. Les vivres souvent donnés par les bienfaiteurs sont également insuffisants pour les 200 élèves, dont 61 aveugles. Ce samedi, cette école sous convention de l'église Emmanuel célébrait la journée internationale de la canne blanche, une canne qui aide les aveugles quand ils marchent à pied. Daniel Niranibagira, représentant de l'Association pour la réintégration sociale des aveugles au Burundi, lui-même ancien élève du lycée Kanura, a précisé que les aveugles sont capables de faire tout ce que font les autres Et même en classe, il y en a qui obtiennent de bonnes notes par rapport à ceux qui ont une belle vision. Spes Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Terminons ce journal par cette brève sécuritaire. Cette grenade et une caisse remplie de cartouches, des bottines imperméables militaires ont été collectées par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, CENAP, antenne Makamba, depuis janvier jusqu'à septembre cette année. Adalbert Ninina Hasge, représentant de la CENAP à Makamba, indique que la population a déjà compris qu'il faut se débarrasser des armes détenues illégalement. Au niveau de l'administration, l'on déplore plutôt le fait qu'il y a encore des gens qui détiennent des armes. Tarsis Kabura, conseiller de l'administrateur de la commune Kivago, a indiqué ce samedi que certaines personnes ont gardé des fusils pour commettre des forfaits. Il les appelle à remettre ces armes au risque de s'exposer aux sanctions. Même son de cloche chez Anita Chongera, coordinatrice chargée de la communication dans la CENAP, qui a appelé au cours de cette semaine les habitants de Kayogoro, Nyanzarake et Kibago à remettre volontairement les armes qui seraient encore dans leurs mains. Eh bien, c'est par ici, par cette brève, que nous clôturons ce journal. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Eli Kadogo. Armel Mutore était à la présentation. Je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. Au revoir.